Activité 2, page 27. Écoutez l'enregistrement et repérez sur le dessin qui prononce chaque phrase. 1. En Bourgogne, le village. Elle est jolie, ta chemise! La seule brocante nocturne de France. Et en temps de grosse chaleur, c'est à Elle est jolie, ta chemise. 500 habitants du village, mais aussi de nombreux professionnels s'y 3. Retrouvent. Une brocante qui attire. Elle est jolie, ta chemise! Reportage Armel Arfaroui et Jean-Michel Chappe.